virginité devient poussière. Il y a quelqu'un assis dessus. Combien sont-ils donc sur la terre? On en entend si peu parler, quittant l'oreille à la misère de tous ces travailleurs sacrifiés. Si dans un moment de colère ils jettent à terre un ou deux dossiers, cassent une chaise dont on n'a que faire, on leur crie vandale meurtrier, comme s'ils avaient les tribalaires et qu'on leur mettait du sel dessus. Leur dignité devient poussière. Il y a quelqu'un assis dessus. Leur dignité devient poussière. Il y a quelqu'un assis dessus. Leur sort dépend de quelques dieux. Ils jouent aux échecs, écrasent des pions, cravate en soie et visage odieux. Ils ont des noms qui riment avec pion. Pendant que beaucoup tombent au fond du trou, d'autres ouvrent leur parachute dorée. Certains sont allergiques à la boue. Quelle horreur d'être séquestré. Comme s'ils avaient les tripes à l'air et qu'on leur mettait du sel dessus. Leur dignité devient poussière. Il y a quelqu'un assis dessus. Rolex, Continental, Caterpillar, j'en passe évidemment, il y en a tellement. C'est la misère noire. Un chômeur pour chaque étoile au firmament. Dépression, récession, victime des cons. Ils font chouchou avec leur pognon. Faut qu'ils battent au ministre, tout est assassin. Ils lèchent dessus S et son sang sur les mains. Comme s'ils avaient les tripes à l'air et qu'on leur mettait du sel dessus. Leur dignité devient poussière. Il y a quelqu'un assis dessus. Comme s'ils avaient les tripes à l'air et qu'on leur mettait du sel dessus. Leur dignité devient poussière. Il y a quelqu'un assis dessus.